Alors à présent, nous allons voir ce que nous dit le Béline pour nos amis Capricorne pour le mois de mai 2022. Alors quel est le message du Béline pour les Capricornes? Mai 2022. Ah, attention aux finances. Attention aux finances, les Capricornes. Alors, on va voir la suite du tirage. Parce que ça, c'est uniquement la coupe. Quel est le message du Béline pour le mois de mai 2022 pour les Capricornes? Bon, ça va. Ça va, ça va. C'est vrai que, bien, apparemment, donc la coupe, elle vous recommande malgré tout de demeurer prudent dans vos dépenses. Mais par rapport au passé proche où il y a pu y avoir des difficultés au niveau de vos finances, eh bien, vous reprenez les rênes de votre situation, vous redevenez plus responsable, et puis vous avez aussi peut-être les moyens aussi de retrouver un certain équilibre financier, vous voyez, par rapport à des dettes, des obligations que vous aviez, eh bien, vous retrouvez la paix et même des solutions pratiques. Donc c'est vraiment un tirage fluide, évident, qui vous annonce un rééquilibre de vos finances pour le mois de mai. Alors continuez à faire des efforts et vous tenez le bon bout. À bientôt.